l'agonie, livre 3, chapitre 10. Suivi d'Abara, Semias et Attilia sortaient du palais de César sous le coup d'une terreur injustifiée. Parce qu'exprès, simplement vêtus, nul ne pouvait les reconnaître. Aussi traversèrent-elles le palatin, croisées d'une énorme foule gesticulante et hurlante, de laquelle émergeaient des croupes luisantes de chevaux, traînant des chars et des bustes de cochers au fouet claquant. Il s'en dégageait cependant un tel oubli tout ambiant, comme d'un monde vu pour la première fois, qu'elles se complaisèrent à y vivre, à s'y noyer, les oreilles bourdonnantes de rumeurs. Un million de poitrines les entouraient, un infini chassé-croisé de gens qui se dévisageaient. Des patriciens rudoyaient des clients, des esclaves esquivaient des coups, des pédagogues emmenaient des enfants, des centurions couraient rythmiquement, des femmes, en délitière, faisaient des signes à des hommes abjets dont la face glabre décelait des eunuques, et, sur les marches des portiques, d'où ils élevaient une tête inquiète, des poètes lisaient devant des critiques aux croupes se gonflant comme des outres. Et nul ne parlait d'Elagabalus ou d'Alexandère. Nul ne s'occupait de l'Empire, qu'il fût à la pierre noire ou qu'il dût appartenir à Zeus, à Osiris ou à Christos. C'était une belle journée d'été, à peine rafraîchie par un vent mou qui ourlait les eaux du Tibre et balançait tendrement les végétations des jardins patriciens. Une chaleur montait du pavé, mettant aux faces vivantes de la sueur épongée à des coins de toge, détendant les nerfs, illuminant les yeux profonds, les yeux ardents de cette foule, sans doute ne rêvant que plaisir. Quelquefois, des mains inconnues cherchaient leur peau, sous les vêtements, et, quand elles se retournaient, des rires serrés éclataient. Des hommes les priaient du bout des lèvres de les suivre dans quelque lupanard. Toujours cette inondation de foule immense, dévalant du palatin au forum, aux façades de temples, aux colonnades régulières, pareilles à des troncs d'arbres, reliés par des feuillages pétrifiés. Des portiques s'évidant en aqueduc, aux statues et aux rostres très hauts, aux fontaines chantantes, aux obélisques et aux arcs triomphaux, perçant de blancheur les voies, aux cônes d'édifices crevant le ciel roux, un peu comme un bouclier légèrement ensanglanté, aux colonnes dressées en bras menaçants sur la foule. Nulle menace de sédition n'essaimait de sa densité, et rien ne leur parvenait d'une fin projetée d'empire, que peut-être personne n'ourdissait. Elles s'enveloppaient dans cette foule comme en un délice de néant qui dévorait leur personnalité maintenant heureuse, même des attouchements d'hommes dont le rire serré sourdait à leur entour. Elles y flottaient, sans plus de conscience, visionnant de visages indécis, dieux inconnus, de porte-tête sur des épaules entrevues, en fuite d'exquises émotions. Et Semias n'était plus l'impératrice, et Attilia la patricienne. Et leur vie apothéotique avait disparu pour des sensations d'êtres étranges vivant dans leur cœur ravi, y jouant une musique extraordinaire entendue pour la première fois. Abara les suivait, dominant tout de sa face noire au rictus méprisant. Elle aussi délassait dans cette atmosphère d'odeur de peau, de parfum gras et de quelque chose qui fleurait le sexe de chacun, épanouie dans de la sécrétion sous les subuculasses de laine ou de lin. Toutes trois, sans but et sans volonté, s'engouffrait dans le monde d'oubli et de quiétude qui en faisait déjà des mortes par l'esprit. Voluptueusement, comme en un bain de mélancolie, leurs jambes les portaient, frôlant d'autres jambes se promenant aussi. Elles descendaient le Vélabre et passaient devant les boutiques ouvertes d'où des animations de marchandises chantaient des chants de couleurs et qui étalaient des friperies encore fraîches, des vêtements de femmes, des étoffes tissées d'or ou trempées cette fois dans la pourpre de Tyr, des stolas colorés de reflets dits d'eau, de safran et de myrte de Paphos, des pallas améthystes, des laines qui s'assemblaient en roses palissantes ou s'éclairaient en plumes de grue, en vert d'amande ou en blondissement de châtaigne. D'autres boutiques offraient des préciosités d'éventail en plumes de paon, de boules de cristal que les femmes serraient dans leurs mains pour en conserver la fraîcheur, d'osselets d'ivoire ou de tablettes d'ivoire sur lesquelles on écrivait avec des stuli d'or. D'autres également se présentaient, toutes vaporantes de drogues médicinales, de la ciguë et de la salamandre, de l'aconite séchée à l'air, des chenilles de pin en des feuilles de bupestris, de la mandragore et des cantharides qu'emportaient rapidement des femmes aux yeux cerclés de volupté, remplacées par d'autres, assiégeant ces boutiques puant le vice et le poison. Encore leur bonheur ne cessant plus, les enlever du milieu latin, porter leur âme au loin, par-delà les mers, en Orient, dont les pleins ciels leur vivaient dolamment doux, dont les végétations leur chantaient, agrestement berceuses, et les ravissaient de sensations d'une fuite aiguë. Sémias, revivant à Émès, avec sur ses genoux et lui donnant son sein blanc, son bel Antoninus. Avec, au cerveau, une curiosité attendrie pour le frère d'Attilia, qui, de son côté, revoyait des paysages d'or, des escaliers rouges et des temples rouges, des érections de palais en des fonds de lacs céruléens, hantés de l'être gracile qu'était Madé. Pendant qu'Abara s'endormait les chairs noires des choses de l'Éthiopie monstrueuse, où sa jeunesse ricanante s'écoula parmi des tribus qui mangeaient les vaincus, au son des tambours faits avec des peaux humaines mal tannées. Des groupes les poussant vers la boutique de Typhocronos, en une avidité de curiosité qu'elle ne comprenait point, elle voyait Elagabalus, enveloppé d'un manteau de muletier. Installé dans la cathèdre grecque, son visage blanc tendu à Typhocronos, à qui Zopiscus faisait des signes mystérieux. Des personnages déguisés emplissaient la boutique. Des personnages qui étaient Hiéroclès, Zoticus, Murissimus, Gordius, Protogénès, la face peinte de fard gras, faisant des yeux ronds sur le barbier, dont les coups de rasoir, au hasard de la face de l'empereur, s'étonnaient fort. Au fond, craintifs, Aristès et Nicodémès, ne lustrant plus leur belle barbe noire, s'immobilisaient avec le banquier, propriétaire de 1000 esclaves, le fabricant de lampes et les deux propriétaires du Palatin, interdits. « Rase, rase, barbier !» s'écriait Elagabalus. Et Typhocronos rasait sa face polie, d'où pas un poil ne tombait. « Rase, rase !» Hiéroclès, Zoticus, Murissimus, Protogénès et Gordius venaient à la rescousse en riant fort, des bracelets d'or aux poignets, des colliers au col, des anneaux aux oreilles. Et ils entouraient le barbier dans leurs robes à manches amples, l'ahurissant, l'hébétant de plaisanteries salaces qu'au dehors chacun entendait. « Rase, rase !» Et l'agabalus rudoyait à nouveau Typhocronos, que Sopiscus regardait avec un louchement mystérieux. Et le rasoir du barbier grec courait, agile, du menton correct aux tempes rayées de vénule bleue, refoulant la légère écume du savon gaulois qu'il avait cette face éclatante d'empereur aux deux bizarres yeux. « Rase, rase cela !» Et l'agabalus, se découvrant rapidement, étalait son sexe épilé, la face renversée, les pieds à la muraille, un rire muet aux dents, et les familiers criaient aussi « Rase, rase cela !» Typhocronos approchait son rasoir, indécisément. Mais il se relevait et lui jetait une bourse d'or. « Prends, c'est Antoninus, que personne ne le sache, est-ce pas ?» Il lui criait cela et ouvrait à coups d'épaule la foule qui, silencieuse et méprisante, se refermait sur Sopiscus, le dernier qui reconnut Abara, dont la haute face noire branla sur les têtes avec un mouvement de stupeur. Un évanouissement de gens au talon de l'empereur, qui disparaissait vers le forum, toujours dans son manteau de muletier, entouré de ses gitons et de Sopiscus, auxquels il disait « Ton barbier, que je sache, est très maladroit. Il ne m'a enlevé aucun poil. Il m'a volé, Typhocronos. » Et il riait, nullement épeuré par ce million de Romains qui lui faisait cortège, qui essaimait de toutes les rues et débordait dans toutes les places. Maintenant, comme si un mot d'ordre avait été donné, des cataphractaires balayaient la foule de coups de pique. Des galops de chevaux passés entonnèrent grondant. Antiocanus et Aristomachès, sanglés dans leurs cuirasses et casqués, emmenaient d'autres turmes qui sauvagement voltaient. Des consuls et des préfets de l'armée dévalaient, avec des manipules, du camp des prétoriens. Rome resta calme. Les citoyens s'en allèrent, et bientôt l'empereur et ses compagnons, montés sur un char qui leur était présenté, se dirigèrent vers la vieille Espérance. Pendant qu'Antiocanus, du haut de sa monture, tirait par la pointe de sa barbe sans moustache, Sopiscus qui hurlait. Semias, Attilia et Abara regardèrent cette fuite de peuple et ce triomphe d'empereur. Et Rome l'en parut vile et l'humanité abaissée, et elles se complurent davantage dans leurs rêves qui les faisaient flotter hors de tout, comme des êtres sans conscience, dans de l'éther et du néant.